chouette, un copain smartphone. Toi aussi, t'as remplacé? Ouais, il me trouvait trop lent. Emoji escargot. Lol. Mais on va rester longtemps au fond de ce tiroir? Ouais, je sais pas, moi ça fait des années. Je suis vieux, tu sais, j'ai même pas la 3G. Emoji grand-père, essaye de sonner, ça les fera peut-être venir. Ne gardez pas les mobiles et smartphones que vous n'utilisez plus. Faites un geste solidaire et environnemental en les donnant sur jedonnemontéléphone.fr. Service opéré par Écosystème, entreprise à but non lucratif. Écosystème, recycler, c'est protéger. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un grand film français, Monsieur Klein, sorti sur les écrans en 1976. Monsieur Klein, c'est Alain Delon à l'écran, c'est aussi Alain Delon à la production. Au milieu des années 70, l'acteur est au sommet de sa carrière. C'est une star de la trempe de celles qui font et défont des projets. Lorsqu'il met la main sur le scénario du film, coécrit par Costa Gavras, il fait tout pour le porter à l'écran. Il doit le jouer, ce Monsieur Klein, ce personnage à milieu de ses rôles habituels. Ce Monsieur Klein est un marchand d'art parisien sans scrupules qui, en pleine occupation, va être confondu avec son homonyme, un certain Robert Klein, mais qui, lui, est juif. Produire Monsieur Klein n'est pas un choix évident pour Alain Delon. C'est un film sombre, complexe, sur Vichy et la collaboration. Mais il ne recule pas et convainc le réalisateur Joseph Losey d'embarquer avec lui dans le projet. Artistiquement, c'est une réussite éclatante. Mais boudé à Cannes, le film est un échec public retentissant, une anomalie majeure. Notre invité aujourd'hui est Laurent Galinon, réalisateur de documentaires, conférencier sur le cinéma, auteur du livre « Delon en clair-obscur » paru aux éditions Mareuil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Alain Delon! Moi je le sens, les salles et tout, vous pouvez pas applaudir parce que vous êtes en train de filmer. Baissez les téléphones, rangez les téléphones et les trucs, et maintenant on va faire un vrai applaudissement, attention. Voilà! Le 19 mai 2019, le public cannois de la salle Buñuel applaudit d'abord timidement l'invité prestigieux du jour. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, doit un peu jouer les chauffeurs de salle, on vient de l'entendre. Mais l'ovation suit, tandis qu'Alain Delon, c'est lui l'invité, se fraye un chemin vers l'estrade, visiblement ému. Ce jour-là, il est venu donner une masterclass de cinéma et parler de ses films les plus marquants. Mais la raison de sa venue est autre. Le lendemain, il recevra une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Un happy end pour Delon qui a toujours été snobé par le festival. Il est passé 7 fois par Cannes, il est toujours reparti sans la moindre récompense. Entre l'acteur et la croisette, c'est une histoire de fâcherie à répétition. La première remonte à plus de 40 ans, comme il l'évoque, toujours un peu désabusé auprès du journaliste Samuel Blumenfeld. En cause, la mauvaise réception cannoise de l'un de ses films très importants pour lui, Monsieur Klein. Vous emmenez Monsieur Klein à Cannes en 1976, au Festival de Cannes, oui, en 1976, ici, ici, oui. En 1976. Vous arrivez avec un chef-d'œuvre, mais vous n'avez pas l'accueil que mérite ce chef-d'œuvre. Je sais, oui. Tout le monde le sait, sauf qu'à l'époque, tout le monde ne s'en rend pas compte. Et c'est vous qui payez les pots cassés. C'est vous qui êtes en première ligne de ce... Oui, mais bah, je peux rien y faire. En face, vous aviez un Espagnol qui a joué dans un film, on ne me souvient plus le nom, personne ne peut se souvenir de la joie d'Espagnol. Et en face, de l'autre côté, vous avez Delon. Comment ça fatiguait Delon, mais rien. Pourtant, qui vous emmerde, ça fait comme ça. Bon, vous le savez, c'est très difficile d'être là pendant 50 ans ou 60 ans et demander qu'on vous aime encore. Plusieurs décennies plus tard, vous êtes ici, là, avec Monsieur Klein, en toute majesté. Oui. Un peu comme dit votre Jeff Costello dans Le Samouraï, je ne perds jamais, jamais vraiment. Voyez, vous ne perdez jamais, jamais vraiment. Jamais vraiment. Malgré l'échec de Monsieur Klein, Delon n'a pas perdu son statut de star. Mais il a perdu de l'argent, quelques illusions et pas mal d'envie de sortir des sentiers battus comme acteur. Pour comprendre le film et son importance, pour Delon, il faut replonger dans la France des années 70. À cette époque, le pays vit un tournant. La Deuxième Guerre mondiale est loin, le général de Gaulle est mort et avec lui le mythe d'une France unie face à l'occupant. S'ouvre alors une période d'introspection sur l'attitude des Français de leur gouvernement pendant l'occupation. Et un passé douloureux commence à remonter à la surface. En 1972, l'historien américain Robert Paxton publie « La France de Vichy, 1940-1944 ». L'ouvrage, traduit en France l'année suivante, met en lumière le rôle central du gouvernement de Pétain dans la déportation des Juifs de France. Et ça fait mal. Le journaliste Paul Gillet écrira dans Le Monde des livres du 1er février 1973. Mais qu'est-ce qui lui prend à cet Américain de venir ouvrir nos placards à cadavres ? Les cinéastes aussi commencent à porter à l'écran ces heures sombres de l'histoire de France. En 1974, Costa Gavras, réalisateur de grands films politiques comme Z ou L'Aveu, et le scénariste italien Franco Solinas sont en quête d'un nouveau projet. Le tandem veut raconter le régime de Vichy. Il travaille d'ailleurs à partir de livres de Robert Paxton. Quelques longs-métrages se sont déjà attaqués au sujet un peu plus tôt dans la décennie. Il y a eu Les Guichets du Louvre de Michel Mitrani ou La Combe Lucien de Louis Malle, entre autres. Il y a eu surtout un documentaire très important, sorti en 1971, Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls. Ce film dresse la chronique de la vie d'une ville moyenne, Clermont-Ferrand, pendant la guerre, et dissèque les petites compromissions de tout un chacun face à l'occupant. Un témoignage en particulier frappe Costa Gavras. Un petit commerçant admet avoir fait publier une annonce dans un journal local dans les années 40, histoire de faire savoir à sa clientèle qu'il n'était pas juif, contrairement à ce que son patronyme aurait pu laisser penser, mais à un bon catholique et un bon français, chez qui il était convenable de faire ses emplettes. Son nom, Marius Klein. Monsieur, c'est vous Marius ? C'est moi Marius, monsieur, oui. Dites-moi, au moment de la parution des ce qu'on appelle les décrets juifs, il paraît que vous avez fait paraître une annonce à ce moment-là. Exact. Parce qu'il me, il me disait juif, j'ai mon nom qui est à consonance juif puisque je m'appelle oui. Klein. Oui. Je suis un. Oui. Mais je suis catholique quand même. Oui. Alors j'ai eu des inquiétudes, on m'a inquiété à ce sujet. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez tenu, vis-à-vis de votre clientèle, à ce moment-là, à dire que vous n'étiez pas juif. Ben parce qu'il s'avait paru que j'étais juif, et puis qu'on arrêtait les juifs, et puis qu'on était tous contre les juifs. Oui. Comprenez-vous ? Ben j'ai dit, il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique. C'est ça. Comprenez-vous ? Et alors c'est là que j'ai fait, comme vous dites si bien, j'ai fait paraître une annonce. Avec cette anecdote édifiante, Costa Gavras et Solinas tiennent le fil rouge de leur scénario autour de la question de l'identité. Qui est juif et qui ne l'est pas ? Et que faire si un nom ne permet pas de trancher ? Ils inventent alors leur Monsieur Klein. Il ne s'appelle plus Marius, mais Robert. Dans la fiction, le personnage est marchand d'art dans les beaux quartiers de Paris occupés. Lui aussi pense d'abord à ses affaires. En 1942, il profite à plein des lois antisémites en achetant à bas prix les tableaux et autres trésors des juifs qui quittent la capitale en catastrophe. Dans Paris, sous couvre-feu, on surveille, on traque, on arrête. Mais de cela, Klein n'a que faire. Jusqu'au surgissement dans sa vie d'un homonyme parfait, un autre Robert Klein, juif, lui. Un double insaisissable qui cherche visiblement à lui faire endosser son identité. Voilà pour les grandes lignes du scénario. Jean-Paul Belmondo doit incarner à l'écran celui qui sera pris au piège de son nom, comme le résume Costa Gavras. C'est le souhait du réalisateur, en tout cas, qui a écrit et pensé son film pour l'acteur. Mais Belmondo se retire du projet, notamment à cause des conditions financières réclamées par Robert Kuperberg et Jean-Pierre Labrande, à l'origine les deux producteurs de Monsieur Klein. Le scénario atterrit finalement dans les mains de son grand rival au box-office, Alain Delon. L'acteur récupère M. Klein par l'intermédiaire de Norbert Saada, l'un de ses amis producteurs. En 75, Delon a 40 ans. C'est une énorme star. Depuis la fin des années 50 et sa révélation dans Plein Soleil, ce magnifique acteur mène une carrière exemplaire auprès des réalisateurs les plus prestigieux. Sa collaboration avec Jean-Pierre Melville à travers trois polars mythiques, Le Samouraï, Le Cercle Rouge et Un Flic, ont fait de lui le Delon grand acteur, grand personnage, au-delà de ce qu'il incarne. Car il faut le voir, taiseux, en par-dessus chapeau, cigarette aux lèvres, flingue à la main, sans une parole. Durant de longues minutes dans le samouraï, il est là. Tout passe dans les regards, les attitudes, remarquables. Mais à ce stade de sa carrière, l'acteur veut casser son image. Oui, jouer autre chose que des flics, des tueurs gages, des beaux mecs, et être enfin reconnu comme un vrai comédien. Alors, le potentiel de Monsieur Klein l'accroche immédiatement. Il lit le scénario dans la journée et donne son assentiment à Sada le soir même. Et il explique les raisons de son enthousiasme dans l'émission pour le cinéma en avril 76, alors que le film n'est pas encore sorti sur les écrans. Mais j'avais 7 ans en 1942, donc mes souvenirs sont des souvenirs d'enfant. Sont des images assez vagues et assez floues, mais donc c'est un personnage dans ce sens. C'était tout l'attrait pour moi d'ailleurs, indépendamment de la direction de Joseph Losey, c'est une, ce qu'on appelle une composition d'acteur et une composition d'interprète, une composition d'un personnage qui est diamétralement opposé à tout ce que Delon est ou a connu. Le rôle ne fait pas peur à Alain Delon, le sujet non plus. Pourtant, il y aurait de quoi. Le film ne fait pas que parler de l'occupation. Monsieur Klein aborde frontalement ce qui reste à l'époque un tabou national, la rafle du Veldiv. Les 16 et 17 juillet 42, 13 000 juifs sont arrêtés à Paris. Plus de la moitié sont emmenés au Vélodrome d'hiver, dans le 15e arrondissement, retenus dans des conditions inhumaines, puis déportés vers les camps d'extermination nazis. Au milieu des années 70, ni Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, ni aucun de ses prédécesseurs n'a jamais admis la responsabilité de l'État français dans la déportation d'une partie de sa population. Non, il faudra attendre Jacques Chirac, en 1995, et un discours fameux pour que soient reconnues les fautes du passé de la France. Ce sujet brûlant, qui refroidit pas mal de producteurs, n'entame pas la détermination d'Alain Delon. Au contraire, il se sent comme investi d'une mission. Ce film, je devais le faire, déclarera-t-il au journal Le Monde en 2003. Rien d'étonnant pour un acteur qui a déjà affronté la question de la guerre d'Algérie dans L'Insoumis d'Alain Cavalier et dans Les Centurions de Mark Robson. Reste à voir avec qui ? Quel réalisateur ? Il propose naturellement à Costa Gavras de le mettre en scène. Mais Belmondo sorti du tableau, le cinéaste préfère abandonner le projet au point d'effacer son nom du générique. Bien, Delon comprend cette décision, et de son côté, il a une idée pour le remplacer. Il pense à l'Américain Joseph Losey, avec qui il a tourné 3 ans auparavant l'assassinat de Trotsky. Avec Lucinovich Sconti, René Clément et Jean-Pierre Melville, Delon le considère comme l'un de ses maîtres. Un de ceux avec lesquels il pense pouvoir écrire l'histoire du cinéma. C'est moi qui ai trouvé le sujet, c'est-à-dire que c'est moi qui ai eu le sujet en main. Et j'ai cherché, j'ai pensé à un réalisateur, et c'est moi qui ai pensé à Losey, et au contraire de l'assassinat de Trotsky, c'est moi qui ai porté l'histoire à Joe, en lui disant « Joe, j'ai un scénario merveilleux, je ne sais pas ce que tu en penseras, lis-le, tu me parles, il me semble que tu es l'homme pour réaliser Monsieur Klein, trêve de discussion, lis et on en reparle. » Je me suis battu pour arriver à faire ce film, je me suis battu pour le faire avec Losey. Joe est aussi tout de suite emballé. Losey l'Américain n'a pas connu la France occupée, certes, mais le scénario fait écho à son histoire personnelle. Parce que lui aussi a connu la persécution et a été ostracisé. Ouvertement communiste, il a été victime du macartisme et a dû quitter les États-Unis pour l'Angleterre, pays dans lequel il a mené la plus grande partie de sa carrière. Il accepte donc, à condition que Delon fasse le film. Le comédien et le cinéaste se vouent un profond respect mutuel au-delà des différences idéologiques. Alain Delon ne fait aucun mystère de ses penchants droitiers. Mais ses divergences de vue politique avec Losey ne posent aucun problème. Pas plus qu'avec celle de Franco Salinas, le scénariste qui est membre du Parti communiste italien. Delon a toujours entretenu des amitiés, voire une vraie admiration pour des personnes aux idées très éloignées des siennes. Comme pour Luchino Visconti, son réalisateur adoré du Guépard et de Rocco et ses frères, un autre proche du Parti communiste. Parce que pour l'acteur, seul compte la qualité des films. Et Delon tient tellement à monter Monsieur Klein qu'en plus du rôle-titre, il endosse celui de coproducteur. Son implication est décisive, comme le raconte Joseph Losey dans une interview télévisée en 1976. Sans Alain, on n'aurait pas fait le film. Sans Alain, excusez-moi de vous interrompre. Sans Alain producteur ou sans Alain Delon interprète? Sans Alain, I have to explain that. Non, il faut que je vous explique. Sans Alain, nous n'aurions pas trouvé les fonds pour traiter ce sujet-là. Il n'y a aucun problème à ce sujet. En tant que producteur, il a été très actif. Il a réuni les capitaux. Son rôle était celui d'un ami qui nous donnait son appui et qui nous a permis de faire ce film. L'acteur persuade donc Joseph Losey de tourner en français. Tous deux tombent d'accord sur ce point. Faire le film en anglais faciliterait la vente du film à l'étranger, certes, mais pour traiter un sujet aussi français, ce serait grotesque. Losey, qui ne parle pas français, surmonte la barrière de la langue et se documente compulsivement sur la période de la collaboration pour s'imprégner de l'époque et pour la comprendre de manière plus intime. Il s'appuie également sur l'expérience personnelle de membres de la future équipe du film. Il y a là Alexandre Honneur, le directeur artistique, un juif hongrois qui a clandestinement conçu les décors des Enfants du Paradis de Marcel Carnet. La responsable du casting, Margot Capelier, elle, a perdu plusieurs membres de sa famille dans les camps. Quant à Claude Lyon, directeur de laboratoire au studio LTC, sa mère est morte en déportation. Le réalisateur retravaille le scénario avec Solinas pour le densifier, ajoute quelques scènes, et fin 75, le premier coup de manivelle est donné. Autour de Delon, Losey a souhaité Jeanne Moreau, Nickel Lonsdal et Suzanne Flon. Tout est réuni pour faire un grand film. Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmant Elvire. Les loups étaient loin de Paris, mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Avec Monsieur Klein, il n'est pas question de flic ripou ni de flingue pour Alain Delon, même de beauté fatale. La star incarne donc Robert Klein, marchand d'art pendant l'occupation et profiteur de guerre. Jouisseur, égoïste, propriétaire d'un hôtel particulier cossu dans les beaux quartiers de Paris, Klein s'enrichit sur le dos de juifs aux abois en leur achetant leurs œuvres largement en dessous de leur valeur. C'est un personnage plutôt médiocre, un anti-héros par excellence. Dans la première scène, il achète un tableau de maître hollandais à un juif, joué par Jean Bouise, qui veut quitter Paris sans tarder. En raccompagnant son client sur le pas de la porte, Robert Klein a la surprise de trouver sur son paillasson un journal. En fait, le journal de la communauté juive de Paris, Information juive. Klein n'est pas juif. Et il pense d'abord que ce journal appartient à son client. Votre journal. Vous avez dû le laisser tomber. sûr, c'est bien mon nom et mon adresse. C'est le facteur qui l'aura posé devant votre porte. Et au revoir, monsieur. Bon voyage et bonne chance. Bonne chance à vous, monsieur Klein. Ce bonne chance à vous, monsieur Klein. Appuyé, teinté de sarcasme et de mépris, produit un malaise immédiat. Klein, un patronyme juif. Le client parti, il reste interloqué dans la brasure de la porte. Et son regard se pose sur son reflet, celui que lui renvoie un miroir dans le couloir. Et le doute s'immisce, chez les spectateurs comme chez lui. Le spolieur de juif n'en serait-il pas un lui-même ? Dans les scènes suivantes, Robert Klein se rend à la rédaction d'information juive, puis à la préfecture de police, détentrice de la liste des abonnés. Oui, il existe bien un autre Robert Klein, juif, et que l'on devine engagé dans la résistance. Le marchand d'armes mène alors une enquête acharnée qui constitue le moteur de l'intrigue pour tenter de se disculper. Delon Klein se retrouve chez Kafka. Plus il tente de prouver qu'il n'est pas juif, plus l'incertitude sur son identité croît. Dans son esprit d'abord, une visite à son père qui lui apprend qu'il existe bel et bien une lointaine branche juive dans la famille, oui, en Hollande, mais aussi dans celui de la police de Vichy. À mesure que le film avance, celui qui affirme, mi-ironique, mi-sincère, qu'il est un bon Français, qui a confiance dans les institutions, est pris au piège d'une bureaucratie infernale qui, dans une scène clé, vient saisir ses biens. On me confisque mes papiers d'identité, ma voiture. On saisit mes tableaux. On m'interdit de vendre et d'acheter. Plus de bar, plus de tram, plus de restaurant, plus de cinéma, plus rien. Tout interdit. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part. Même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. Non, celui-là, vous ne pouvez pas le saisir. Il n'est pas à vendre. Ça n'est pas une marchandise, c'est personnel. Bon, monsieur le commissaire, vous avez un mandat, bien entendu. Voilà, maître. Tâchez de lui faire comprendre que ce n'est pas une question personnelle ni du vice de ma part, c'est la loi. Et je ne discute pas la loi, mais elle ne me concerne pas. Je n'accepte pas d'être pris pour un autre et de payer pour un autre. Mais cela ne dépend pas de moi, c'est la préfecture qui nous a signalé votre cas. Mais c'est moi qui ai signalé le cas à la préfecture. Et ça n'a rien à voir avec moi. Cela reste à prouver. Ce ne serait pas la première fois, surtout en ce moment, que quelqu'un se montre pour mieux se cacher. Je ne discute pas la loi, mais elle ne me concerne pas. Il y a là le grand thème de M. Klein. Car le sujet du film n'est pas tant celui de la duplicité et de l'ambiguïté que celui de l'indifférence des gens ordinaires pour la souffrance d'autres gens ordinaires, tant que cette souffrance ne les atteint pas, eux ou leurs proches. À aucun moment, le personnage joué par Delon ne montre la moindre indignation morale. Robert Klein est un homme qui ne comprend pas l'histoire en marche. Ce n'est qu'à la toute fin du film que sa prise de conscience se produit. Incapable de se soustraire à son destin, il est raflé et emmené dans un stade, évocateur évidemment pour le spectateur du Vélodrome d'hiver. Alors que les haut-parleurs égrènent les noms des prisonniers, celui de Robert Klein se fait entendre. Une main se lève au milieu de la foule. C'est celle de son double, de l'autre Klein, celui qu'il cherche depuis le début du film. Mais ni lui ni le spectateur ne verront jamais son visage. L'avocat de Klein, joué par Michael Lonsdale, lui signale in extremis qu'il a réussi les papiers. Il a réuni les papiers prouvant qu'il n'est pas juif. Klein Delon lui crie alors « Je reviens !» Mais au lieu de faire demi-tour, il se précipite en avant, à la poursuite de son homonyme. Emporté par un mouvement de foule, il ne reviendra pas. Et la dernière scène nous montre un Delon en route vers les camps. L'acteur est fasciné par la trajectoire de son personnage qui passe de l'égoïsme à l'inquiétude, au doute, à l'identification à cet autre juif au point de le suivre dans la mort. Le rôle s'inscrit parfaitement dans sa filmographie, traversé par le thème de la duplicité et de la substitution. Déjà, son personnage avait tué celui de Maurice René pour usurper son identité dans Plein Soleil. Et puis, n'a-t-il pas un frère jumeau dans La Tulipe Noire ? D'ailleurs, Delon l'a expliqué maintes fois, il n'est pas un comédien qui prépare et joue ses personnages. Il est un acteur qui vit ses rôles. Dans une interview donnée au Monde en 2018, il parlera de sa proximité avec Klein. C'est, pour beaucoup, c'est moi dans la vie. J'adore Monsieur Klein à cause de ça. Il y a tellement de choses de moi dans ce film. Mon amour des tableaux, ce rapport ambigu avec les gens. C'était mon devoir d'homme de vivre ce rôle. Dévoué à la qualité du film, Delon se laisse diriger, mais laisse le temps, de temps en temps, éclater son caractère ombrageux, comme le raconte Joseph Losey dans une lettre adressée à sa femme Patricia en janvier 76. Hier fut une de mes pires journées professionnelles, bien que le travail, en fin de compte, se soit avéré bon. Comportement de la part d'Alain, qui nous a retardé de pratiquement une demi-journée et a failli arrêter le film. Je n'ai pas la moindre idée du pourquoi, sauf peut-être son ego. Au cas où tu t'inquiéterais, concernant Alain, il se comporte parfaitement bien avec moi. Il est plutôt un homme brisé et triste. Son interprétation reste bonne. Il est une tragédie. Un jour sombre, la star peut arriver le lendemain sur le plateau regonflé à bloc, optimiste et souriant. Ses sautes d'humeur sont brusques, inattendues, inexplicables. Après avoir balancé à Losey qu'il se trouve merdique et qu'il déteste le décor, il est capable de lui assurer tout sourire. « Je vais donner la meilleure interprétation de ma vie et ce sera votre meilleur film. » Promesse tenue, en tout cas. Avec Monsieur Klein, Delon offre l'une des meilleures performances de sa carrière, si ce n'est la meilleure. Il est heureux, fier d'avoir produit et joué dans un grand film. Et c'est en 1976 qu'il est sélectionné au Festival de Cannes. Beaucoup s'attendent à une reconnaissance du comédien par ses pairs. Le petit monde du cinéma bruit de la rumeur, il serait pressenti pour recevoir le prix d'interprétation masculine. Sur la croisette, le critique de cinéma Henri Chapier, lui, est emballé par la performance de l'acteur. Comme il l'explique à l'animatrice Danielle Gilbert dans son émission En direct de Cannes. Henri Chapier, moi j'ai besoin de vous parce que naturellement hier soir je n'ai pas pu aller voir Monsieur Klein, le film de Losey, tant attendu avec Alain Delon. Ah oui, alors je le regrette vraiment pour vous parce que c'est un film admirable. Mais j'aurai l'occasion d'aller le voir. Ah oui, vous allez le voir, vous pouvez le voir aujourd'hui encore. En tout cas, Alain Delon mérite cette fois-ci le prix d'interprétation. Moi je crois qu'il est temps qu'on se rende compte qu'il mérite un prix. Évidemment, c'est un acteur extrêmement populaire, chacun le sait, chacun l'aime, mais il a fait un film assez difficile et assez courageux. C'est un film extrêmement généreux et où Delon vraiment oublie qu'il est Delon. C'est-à-dire qu'il oublie qu'il est une star. Et puis voilà. J'espère qu'il va oublier en vous écoutant s'il est devant son poste, qu'il a une grosse grippe et je lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement, peut-être pour venir chercher sa récompense. Et un grand prix qui le guérira, voilà. À part Daniel Gilbert, personne ne croit cette histoire de grippe. En réalité, on a suggéré à Alain Delon de quitter sa retraite parisienne et de descendre sans délai se montrer à Cannes pour se faire un peu de publicité. La star a sûrement de nombreux défauts, mais il en est un qu'elle n'a pas, pas du genre à faire des courbettes. Pas de chantage. S'il mérite ce prix, il faut lui décerner sans qu'il ait besoin de se déplacer. Eh bien, il va payer son entêtement et un certain mépris pour les pince-fesses cannois. Car c'est un jeune Espagnol inconnu, José Luis Gomez, qui repart avec le prix d'interprétation. Cette injustice, en tout cas ce qu'il estime être une injustice, constitue l'une des plus cruelles déceptions de sa carrière. De surcroît, le film de Losey repart complètement bredouille. Il faut dire qu'il est assez complexe dans le fond et dans la forme. Le réalisateur a choisi de faire cohabiter des scènes d'un réalisme cru, quasi documentaire, à des scènes à l'ambiance plus irréelle, voire abstraite. Losey revendique aussi quelques inexactitudes historiques, destinées à donner un caractère plus universel à son propos. Ses partis pris artistiques laissent une partie du jury cannois et pas mal de critiques complètement perplexes. C'est Taxi Driver qui aura la Palme d'Or cette année-là. L'accueil des professionnels est une chose, celle du public en est une autre. Monsieur Klein sort sur les écrans français quelques mois après le festival, en octobre 76. Sur l'affiche, le visage d'Alain Delon apparaît au milieu d'une étoile de David, comme prisonnier de son destin. Cette affiche, l'acteur-producteur l'a validée, sans rien retoucher, même si elle est sombre et assez peu commerciale. Hélas, en salle, c'est un vide. 700 000 tickets vendus, pendant que Jean-Paul Belmondo fait plus de 4 millions d'entrées avec Peur sur la ville. J'ai pris une grande gifle et perdu 300 millions de francs, dira Delon, qui parle en ancien franc, l'équivalent en tout cas aujourd'hui d'environ 450 000 euros. L'échec de Monsieur Klein. ouvre une blessure qui ne se refermera jamais vraiment. Oh, ce n'est pas tant la perte financière qui affecte Alain Delon, d'ailleurs, il exagère certainement, non. C'est la désaffection du public qui est douloureuse. L'acteur en déduit, amer, que les spectateurs ne veulent pas le voir sortir des rôles attendus. Et ce que le public veut, le public doit l'avoir. Comme il l'affirme à la télé suisse en l'occurrence, en 1986. Il faudra avoir le courage de donner des espèces de conférences, entre guillemets, parce que le mot pour un acteur est un peu important, et pour savoir finalement dialoguer avec ce public en disant, écoutez, dites-moi ce que vous souhaiteriez que je fasse, dites-moi ce qui ne vous a pas plu là, dites-moi ce qui vous a plu ici, dites-moi comment vous aimeriez me voir, parce que c'est vous qui décidez, c'est vous, public, qui avez le choix et le droit de décider, et finalement sont eux qui me disent ce que je dois faire, et sont eux, par leur refus ou par leur acceptation de tel ou tel film, qui dictent ma carrière, qui ont toujours dicté ma carrière, c'est le public et personne d'autre. Et je ne suis là que pour satisfaire le public. Et lorsque je fais, je vous le dis, Proust, ou que je fais Le Passage, ou Pour la peau d'un flic, je le fais simplement dans le but, très simple, de procurer une heure ou deux heures de plaisir, de satisfaction, d'émotion, voire de... C'est ça là, c'est rien d'autre, vous savez, le métier d'acteur. Dans les années 80, Delon se contente de gérer son image au cinéma, comme il gère ses entreprises de produits dérivés à Alain Delon. Mis à part un détour chez Blier et Godard, il ne se lancera plus dans des projets aussi ambitieux que Monsieur Klein, qui reste finalement son dernier chef-d'œuvre. Non, il juge plus sage de retourner à des films plus faciles et à ses rôles de porte-flingue. S'ensuit une longue série de pétarades dans les salles avec Le Gang, Mort d'un pourri, Trois hommes à abattre ou Pour la peau d'un flic. Avec la fin des années 70, un chapitre de la vie et de la carrière d'Alain Delon s'est de toute façon refermé. Kevin Visconti est mort, Jean-Pierre Melville aussi, René Clément a pris sa retraite. Privé de ses maîtres, l'acteur perd petit à petit son intérêt pour le cinéma et s'enfonce dans la nostalgie. Sur les films aussi, le temps fait son œuvre. Les années passant, Monsieur Klein devient pour les cinéphiles une œuvre majeure et un classique. L'acteur ne cessera de s'en attribuer la réussite artistique, de faire valoir son rôle dans sa création, gommant au passage celui des coproducteurs, se servant du film comme d'une preuve de son engagement dans des œuvres plus exigeantes et moins populaires. Malgré le statut acquis par le film, Delon ne semble toujours pas avoir avalé la pilule. Pour preuve, voici ce qu'il déclarait au Monde, le journal Le Monde, en 2018. Des années après, quand ça passe à la télé, on vous dit des choses du genre « Oh, mais dites-moi, Monsieur Klein, c'est magnifique. Que n'y sont-ils allés à la sortie ?» Partie de jambes en l'air, le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage, d'un verre de Campari, du bon vouloir ou de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire à la flamme singulière. Quelle aventure, quelle aventure. On reste. reste Dieu merci et la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd, on perd la gagne. Décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Alain Delon, Monsieur Klein, notre invité Laurent Galinon. Bonjour. Bonjour Fabrice. Réalisateur de documentaires, vous êtes conférencier sur le cinéma également et auteur du livre intitulé « Delon en clair-obscur » paru aux éditions Mareuil. Dans le récit, on évoque à un moment la volonté d'Alain Delon de se lancer dans Monsieur Klein, par exemple, pour prouver qu'il est un vrai comédien. Mais avait-il besoin de prouver qu'il était un vrai comédien quand on a vu tout ce qu'il a fait avant ? Oui, c'est une question qu'on peut se poser, parce que on comprend pas vraiment. Il a été baptisé par René Clément, consacré par Visconti, qui est un maître du cinéma italien à l'époque de sa toute splendeur. Et puis ensuite, il a imposé le silence dans le cinéma français avec Melville, alors qu'on sortait... Et le Samouraï, notamment. Et voilà, le Samouraï. Alors qu'on sortait de 20 ans dans le cinéma de dialoguistes, hein, Janson, Audiard, puis Louis Jouvet, évidemment. Et donc, c'était le contre-emploi... Alain Delon, il avait vraiment créé son genre à lui. Et est-ce que sa popularité ne s'est pas heurtée à une sorte d'élitisme un petit peu français? Est-ce qu'on ne lui a pas reproché d'être trop populaire? En tout cas, il n'avait pas, c'est vrai, l'estampille Festival de Cannes en 76. Et il a essayé peut-être de prouver sa vraie valeur. Peut-être qu'il en souffrait après tout. Hein. Je veux dire, il faisait des millions d'entrées. Le Cercle Rouge, 4 millions. Le Clan des Siciliens, c'est 4 millions et demi également, quelques années auparavant. Il y avait en lui une volonté, chez Delon acteur et chez Delon producteur, certainement une envie de recevoir un petit peu les honneurs de la profession. Problème d'image, quoi, pour lui. C'est un problème d'image. Oui, de toute façon, il est en rivalité avec son image, Alain Delon. Je veux dire, on lui a imposé très tôt, en fait, d'être un homme beau. Hein. On parlait de sa beauté, notamment les femmes. C'est ça qui l'a amené au cinéma. Mais très vite, il n'a pas voulu être le playboy du cinéma. Il s'est tout de suite... il a tout de suite choisi donc un itinéraire bis un petit peu que celui qu'on lui proposait au départ, et ça a été très courageux. Je reviens à Monsieur Klein, c'est vraiment un acteur, un producteur très très courageux, et ça se voit. Alors on va y revenir, mais d'abord cette question qu'il faut soulever: pourquoi cet excellent film a-t-il été un tel échec commercial? Comment expliquer cette anomalie? C'est une anomalie. Oui, c'est même une hérésie dans la carrière d'Alain Delon, en fait. Parce que, est-ce que c'est le contre-emploi? C'est vraiment le film du contre-emploi. Hein. Il n'a pas de flingue, il n'a pas le par-dessus, ni le Borsalino, tel qu'on l'a chez Melville ou chez Verneuil ou chez De Ré. Est-ce que le public n'a... Le public, en tout cas son public à lui, n'a pas suivi. 700 000 entrées, c'est très très peu. À l'époque, je vous dis, où il fait 2 millions, 3 millions dès qu'il est avec Gabin dans Deux Hommes dans la Ville, par exemple. Giovanni, film formidable, extraordinaire. Et là encore, un film très courageux puisqu'il part de la peine de mort. Mais il remet en cause la peine de mort alors qu'on est en 73. Et là, il est fragile. C'est vraiment un homme extrêmement fragile qui sincèrement veut se réinsérer et tombe sur un commissaire qui lui en veut, un sadique merveilleusement joué par Michel Bouquet. Oui. C'est un film sublime. Il faut le conseiller à nos auditeurs au passage. Bref, revenons à nos moutons. Monsieur Klein, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de malentendu. On n'attendait pas Delon sur un terrain entre guillemets politique. À l'époque, le cinéma italien, lui par exemple, traite les questions d'actualité très politiques. En France, on est encore à étudier le syndrome de Vichy, cette mémoire un petit peu gênante, incertaine. On a des films dans tous les sens, vous les avez cités, des témoignages sur la collaboration comme La Combe Lucien. Est-ce qu'on s'est dit, pardon de vous couper, est-ce qu'on s'est dit ces films-là, c'est bon pour Gavras, c'est bon pour Louis Malle, Combe Lucien? Pas pour lui. Est-ce qu'il y avait, on l'a mis dans une case, en fait. C'est oui, ça c'est ça, absolument. C'était lui, c'était le gangster, par ses rôles au cinéma, de par aussi ses fréquentations dans la vie. Et certainement qu'il est venu, là, sur le précaré un petit peu d'un cinéma d'auteur et politique qui ne le concernait pas. Et donc, le Festival de Cannes, qui était, on va dire, le garant de cette petite famille-là, n'a pas voulu, donc, n'a pas voulu le reconnaître. Ouais, la doubée. Je crois que c'est la fissure chez lui. Vous parliez d'une blessure, elle est là. C'est le Festival de Cannes, mais c'est aussi le public. On l'a vu dans l'interview que vous avez passée, de savoir que son public ne l'a pas suivi sur un tel risque. Lui qui a investi corps et âme, également les finances. Vous en parliez, ça se compte en millions les pertes. Je crois que là, il y a vraiment une fissure qui va déboucher sur une absence d'exaltation, en tout cas dans la prise de risque dans les années qui suivent. Ouais. Même s'il ira chez Blier pour notre histoire, bien sûr. Oui. On en reparlera, et il ira chez le baron Charlus quand même. Ah oui, oui, c'est ça, c'est quand même extraordinaire. Très bon, on en reparlera. Alors, on l'a évoqué bien sûr dans le récit, il tenait particulièrement à ce film. Qu'est-ce que ça raconte de lui, ce film-là, le personnage? Alors là, ça raconte énormément de choses. Il y a des choses qui reviennent il y a des éléments qui reviennent à l'enfance, notamment le Vélodrome d'hiver. C'était un lieu de culte pour lui quand il était enfant. Le Vélodrome d'hiver, avant que ça soit la honte française, c'était avant tout un lieu de divertissement parisien pour les ouvriers qui allaient acclamer les cyclistes. Et Delon, avec son père, partait de Bourg-la-Reine et venait applaudir Fausto Coppi, tous les grands cyclistes de l'époque. Il tenait même les bicyclettes des coureurs. Il se rêvait un peu en coureur cycliste. Donc là, c'est très très personnel, mais ça raconte aussi l'esthète, celui qui aime l'art, puisque Delon à l'époque a commencé déjà à collectionner, comme le personnage de Robert Klein. Des tableaux. Voilà, alors des tableaux, il a commencé par les dessins, ça c'était vraiment sa première obsession, son premier éblouissement, Albrecht Dürer, les dessins de Rembrandt, et ensuite les peintres du 19e, Corot, Millet, Delacroix et Géricault, avec lequel il a des similitudes, dans lequel je pense même il se projetait un petit peu, parce que c'était tous les deux des hommes pressés, comme dirait Morand. D'ailleurs, Delon adorait Paul Morand, en tout cas le roman L'Homme pressé. Il avait même acheté aux enchères le bureau de Paul Morand, vous voyez, avant d'adapter L'Homme pressé en 78, réalisé par Molinaro. Donc il y avait des éblouissements comme ça. Je pense même qu'il voyait dans les cuirassiers, dans les cavaliers dessinés par Géricault, cette fougue, ce panache en fait qu'il y avait dans les soldats napoléoniens et qu'il avait envie d'exalter en lui, et que Visconti avait magnifiquement dessiné dans le Guépard. Bien sûr. On va se retrouver dans Laurent Galignon dans 3 minutes, après avoir écouté Sharon Van Etten, Never Gonna Change. France Inter. Affaires sensibles. Laurent Galinon, on le rappelle, donc Monsieur Klein, Festival de Cannes 1976, ça se passe mal pour Alain Delon. Sorti octobre 1976, ça se passe mal au niveau du box-office. Alors c'est une année charnière parce que c'est aussi l'année où Visconti et d'autres disparaissent. Clément, Melville, Jean Gabin. On a l'impression qu'il perd ses maîtres et qu'il perd ses repères. Et que de ce point de vue, c'est vraiment un tournant et un moment difficile de sa vie. Oui, oui. Alors, René Clément arrête le cinéma en 76. Oui, c'est ça, mais il y en a qui arrêtent et d'autres voilà, qui meurent. C'est ça. Et Jean Gabin meurt juste après la sortie de Monsieur Klein. Donc ça va être effectivement, là aussi, des cicatrices qui vont avoir du mal à se refermer. C'est une certaine idée de son cinéma qui disparaît. Ce sont des gens qui l'ont appris. Ce sont des pères spirituels, presque des pères de substitution. Hein. On sait à quel point ça a été compliqué pour Alain Delon de se trouver une nouvelle famille. Il y a d'abord eu l'armée en Indochine, ça lui a permis de, entre guillemets, de marcher droit. Il le dit régulièrement. Il rend hommage à ses officiers qui lui ont appris une façon de la discipline, entre guillemets. Et ensuite, deuxième famille de substitution, le cinéma. Et là, effectivement, 76, terrible. Visconti, Gabin. Et il avait déjà énormément souffert de la mort de Melville avec lequel ils étaient partis un petit peu fâchés. Donc, c'est à 40 ans, il se retrouve à nouveau orphelin de ses maîtres, de ses gens qui lui ont montré comment jouer, qui lui ont donné un regard qui lui ont, comment dire, forgé un regard dans la vie. Et à partir de ce moment-là, il doute peut-être de trouver quelqu'un qui puisse à nouveau mettre en valeur sa virtuosité, sa façon de jouer. Il dit souvent à l'époque, d'ailleurs, qu'il aimerait retrouver un Karajan, en fait. Ouais. Bon, alors, il y a sans doute une période de relative errance, et en 84, je crois que c'est la même année, il fait un détour très intéressant par Proust dans Un amour de soi, où il joue le baron Charlus. Ça, c'est un contre-emploi parfait. Et puis, dans Notre histoire, où c'est aussi un contre-emploi, c'est un type qui est dans un train, il s'endort, il fait un drôle de rêve. Alors, c'est l'anti-héros par excellence, et il est excellent. Oui, il est excellent, garagiste, taciturne, dépressif, qui a envie encore de croire à l'amour. De toute façon, je pense qu'il a toujours été... On a retenu le samouraï et les gangsters, mais il a toujours joué comme ça des rôles de dépressif. Il a toujours excellé là-dedans. Vous avez le professeur de Zurlini, personnage hirsute comme ça, qui va droit vers la mort. Vous avez, quand les enfants... attention, les enfants regardent, de Serge Leroy, là aussi, énorme prise de risque. Et Notre histoire, c'est fabuleux. La critique, d'ailleurs, est très bonne, mais encore, là encore, il y a un hiatus avec le Festival de Cannes, puisque le film n'est pas sélectionné à Cannes. Mais on a l'impression que c'est comme une malédiction, les rapports entre Alain Delon et la critique cinéma. On a l'impression qu'il est de bon aloi de le critiquer négativement. Oui, c'est vrai que ça fait bien dans les soirées parisiennes de dire qu'on s'est entre guillemets tapé de long. Même quand on est journaliste à l'époque, on n'a qu'une envie, c'est de le mettre en difficulté. Ça vient peut-être d'un malentendu qui remonte un petit peu plus loin déjà quand il part aux États-Unis. Il y a déjà des jalousies. On a l'impression entre guillemets qu'il a un petit peu la grosse tête. En 68, sa pièce est annulée, la pièce de Janco, Les yeux crevés, qui joue avec Maribel, qui est annulée par mai 68. Vous avez les ouvriers devant le théâtre qui crient Delon à l'usine. Et Delon propose à l'ORTF de présenter les journaux télé. Donc tout ça va créer une sorte de séparation, de fissure entre la critique plutôt de gauche, on va dire, dans le cinéma d'après 68, et lui qui est un gaulliste. Hein, De Gaulle, c'est là aussi un guide pour lui, régulièrement d'ailleurs, quand il subit les critiques, qui se trouvent entre les fourches caudines de la calomnie, il choisit de citer De Gaulle et il dit prenez face aux critiques, prenez la voix la plus élevée, c'est souvent la moins encombrée. Vous parliez de théâtre, il jouait il y a quelques années sur la route de Madison avec Mireille Darc, mise en scène par Anne Bourgeois. Et voilà, vous voir Alain Delon au théâtre, c'est un privilège. On l'a pas vu beaucoup, pas énormément en tout cas, notre génération. Non, non, il faut remonter à 62, Visconti, ça, ouais. Dommage qu'elle soit une putain avec Romy Schneider, et puis Les yeux crevés de Janco, et non, pendant 30 ans, de toute façon, c'était pas sa priorité, hein. Sa priorité c'était le cinéma. Il y a eu la première, on va dire, crise avec le cinéma en 76 avec Klein, et là, comme vous le disiez, donc il s'est réfugié dans ses affaires. Il a fallu un temps avant qu'il revienne au théâtre, là aussi, il y avait une sorte de entre guillemets, une malédiction. Mais en tout cas, c'était un privilège pour des gens qui, effectivement, n'avaient jamais eu l'occasion même de, pour ma génération, par exemple, moi j'ai 35 ans, c'était un privilège de pouvoir voir ce monstre sacré sur les planches, et effectivement. Oui. Alors on aime bien le petit jeu des duels, êtes-vous Sartre ou Camus, Beatles ou Rolling Stone, Anquetil ou Poulidor, on pourrait faire la même chose avec Delon et Belmondo. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, je ne suis pas un spécialiste de cinéma, que les choix d'Alain Delon ont été plus risqués tout de même, même si Belmondo en a fait, il a emprunté le chemin des écoliers, parfois, mais on a l'impression que Delon a pris plus de risques. Est-ce que c'est votre sentiment ? Absolument. Delon producteur, mais son image en perpétuel en danger. Quand il va, par exemple, en Italie au début des années 70, alors qu'il sort d'un succès comme Borsalino, qu'il renforce dans son public, il va en Italie faire des poliziotesco, ce sont des films policiers italiens très musclés, plus subtils qu'ils en ont l'air d'ailleurs. Il va faire un dépressif chez Zurlini et il enchaîne avec Monsieur Klein. Donc vous voyez, rien que ça, on a donc à chaque fois des itinéraires bis qu'il se crée lui-même parce qu'il a besoin de se surprendre. Je pense que c'est quelqu'un qui avait très peur de l'ennui. Et c'est pour ça qu'il est devenu producteur à la fin des années 60. Il y avait ce besoin de création, ce besoin de se sublimer lui-même. C'est ça, Delon. C'est presque un... il faut avoir en tête l'homme pressé de Paul Morand. Ce besoin d'aller de l'avant, d'aller très très vite, de se sublimer. Et il y avait... on peut le comparer presque à un romantique du 19e siècle parce qu'il va au bout de ses obsessions. Vous voyez, il aime les tableaux de Géricault, c'est pas pour rien. C'est un type qui va au bout de ses obsessions. Il est parti très bas et il va très haut, comme dans les romans de Balzac. Voilà. Voilà. Merci Laurent Galignon. Je rappelle le titre de votre livre, Delon en clair-obscur, paru aux éditions Mareuil. Merci encore. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Monsieur Klein, Alain Delon. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.